La Bible David Martin 1855. Le second livre de Moïse dit l'Exode. Exode chapitre 1. Or ce sont ici les noms des enfants d'Israël qui entrèrent en Égypte, chacun desquels y entra avec Jacob et leur famille, Ruban, Siméon, Lévi et Judas, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gaïazé. Toutes les personnes issues de la hanche de Jacob étaient 70, avec Joseph qui était en Égypte. Or Joseph mourut, et tous ses frères, et toute cette génération-là. Et les enfants d'Israël foisonnèrent et crurent en très grande abondance, et multiplièrent, et devinrent très puissants, tellement que le pays en fut rempli. Depuis il s'éleva un nouveau roi sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Joseph, et il dit à son peuple, « Voici, le peuple des enfants d'Israël, est plus grand et plus puissant que nous, agissons donc prudemment avec lui, de peur qu'il ne se multiplie, et que, s'il arrivait quelque guerre, il ne se joignit à nos ennemis, et ne fît la guerre contre nous, et qu'il ne s'en allât du pays. » Ils établirent donc sur le peuple des commissaires d'impôts, pour l'affliger en le surchargeant, car le peuple bâtit des villes fortes à Pharaon, savoir, Pithom et Raansé. Mais plus il l'affligeait, et plus il multipliait et croissait en toute abondance, c'est pourquoi il haïssait les enfants d'Israël. Et les Égyptiens faisaient servir les enfants d'Israël avec rigueur, tellement qu'ils leur rendirent la vie amère par une rude servitude, en les employant à faire du mortier, des briques, et toutes sortes d'ouvrages qui se fait au champ, tout le service qu'on tirait d'eux, était avec rigueur. Le roi d'Égypte commanda aussi aux sages-femmes hébreux, dont l'une avait non Siphra, et l'autre avait non Pua, et leur dit, « Quand vous recevrez les enfants des femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, mettez la mort, mais si c'est une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent pas ainsi que le roi d'Égypte leur avait dit, car elles laissèrent tes vivre les fils. Alors le roi d'Égypte appela les sages-femmes, et leur dit, « Pourquoi avez-vous fait cela, d'avoir laissé vivre les fils ?» Et les sages-femmes répondirent à Pharaon, « Parce que les Hébreux ne sont point comme les femmes égyptiennes, car elles sont vigoureuses, et elles ont accouché avant que la sage-femme soit arrivée chez elles. » Et Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia, et devint très puissant. Et parce que les sages-femmes craignirent Dieu, il leur édifia des maisons. Alors Pharaon commanda à tout son peuple, disant, « Jetez dans le fleuve tous les fils qui naîtront, mais laissez vivre toutes les filles. »